Bonjour, bienvenue dans le Flamingos, le podcast de divertissement culturel. À chaque épisode, un thème est mis en avant. Vous pourrez compter sur nos chroniqueurs pour une analyse superficielle. Le Flamingos, le podcast des experts approximatifs. Wouh, wouh, wouh. Bonjour à tous, bienvenue dans le Flamingos. Ça fait plaisir d'être là. Oui, le Flamingos, vous l'avez compris, le podcast de divertissement culturel avec toujours une expertise approximative. Ils sont bons. Hein. Allez, petit tour de table, on commence par Brie. Bonjour Brie. Bonjour. Alors tu es là, tu as quelques expertises à nous soumettre. Bah, moi aujourd'hui j'ai envie de vous parler de défis un peu insolites, de records étranges. Oh, des records étranges. Un peu amusants. Ça va être intéressant tout ça. Alléchant. On a également Ludie. Ça va, oui, Ludie? Ça va très bien, bonjour à tous. Bonjour. Et toi alors, est-ce que tu nous réserves des petites surprises, Ludie? Je sais que tu es toujours un peu loquace sur des choses qui nous surprennent, voilà. Et oui, aujourd'hui, nous allons explorer les records de la nature. La nature est toujours incroyable. Je crois qu'il y a les humains, mais il y a la nature au-dessus, toujours. Totalement. L'écologie à fond. Et pour finir ce tour de table, ce serait incroyable de ne pas citer notre expert approximatif, sans doute le plus approximatif, mais le plus expert également, Fleming. Merci, bienvenue. Tu vas bien, Fleming? Ça va très bien, impeccable. Tu es en forme? Écoute, passé une drôle de semaine, mais oui, je suis en forme dès que je vous retrouve, donc c'est parfait. Même nous aussi, on est en forme. On oublie tout et on commence sur les chapeaux. Oublie pas tout quand même. Hein. Non. On va essayer d'être droit dans nos bottes, fidèle au poste et carré. Voilà. Tu nous parleras de quoi, Fleming? Oh, aujourd'hui, le goût du jour, c'est quoi? C'est les défis sonores, me semble-t-il. Tu as raison, Fleming. Il y a un thème aujourd'hui. C'est défis, dégages. Et des records. Défis, dégages. Il y en a deux déjà. Défis et dégages et des records, tout à fait. Donc, c'est notre thématique qu'on va développer avec tout notre savoir-faire. Hein. Sur le deuxième numéro, on va vraiment enchaîner comme des experts. Voilà. Vous ne sentirez plus le côté approximatif, mais il sera là, mais vous ne le verrez plus. On va commencer tout de suite par un premier défi, mais qui sera même un gage. On a chacun sélectionné avant le podcast un gage sonore à faire. On commence par Fleming. Fleming, tu as un premier gage tiré au sort. Je donne l'intitulé. Vas-y, bien dans le micro. Ouais, bien dans le micro. Alors, fredonne une chanson aux autres de deviner de laquelle il s'agit. Quand on dit fredonne, on a le droit de siffler ou c'est fredonner? Tu peux siffler, moi, ça ne me gêne pas. On vote. Moi, je pense qu'il peut siffler. Tu peux siffler. Il faut qu'on devine. Il faut que les règles soient claires et nettes pour tout le monde. Très bien, très bien. On est très bien. Qui commence alors? Bah toi. Ah, c'est moi. C'est moi. Ah, je croyais qu'on allait chacun après, non. Ah, chacun doit... Redis exactement l'intitulé de la carte. Non, fredonne une chanson aux autres de deviner de laquelle il s'agit. Ah, chacun peut le faire, oui, chacun peut le faire, un tour de rôle. C'était ça un peu... Vous voulez qu'on le fasse tous? C'est intéressant. Est-ce que vous avez quelque chose en tête, là, comme ça, là? Oui. moi, j'y vais, allez. Vas-y. C'est parti. Nu. J'ai l'impression que c'est la vraie chanson que je fredonne. J'ai l'impression que c'est Homer dans Les Simpsons qui chante devant... Spider cochon. C'est Homer Simpson. Pas du tout. Je vois pas du tout. Bah, j'ai perdu. C'était Gérald de Palmas sur la route toute la sainte journée. Extrait. Comme j'étais sur la route toute la sainte journée, je n'ai pas vu le tout en toi. Ah oui, quand même. Ah ouais, quand même. Ah oui, maintenant que tu le dis. C'est ça. J'ai pas vu le doute en moi. S'immiscer. Ok. Mais oui. Bah, j'ai perdu. Bon. Ouais. Brie, à ton tour. Brie, tu dois fredonner une chanson qu'on reconnaisse. C'est pas facile. Prix de cours, essayez chez vous. D'accord. Franchement, c'est pas simple. Jodassin. Purée, elle me l'a piqué quoi. C'est celle que j'avais. C'est pour ça que j'ai demandé si on avait le droit de siffler. Bah, bah, c'est ce qui m'a donné l'idée. Tu l'aurais fait comment? Je rêve. Elle me pique. Elle est restée sur la première émission. Ça commence bien. Tiens, il est super pouvoir. Ah oui. Alors aujourd'hui notre thème c'est défis et dégages et des records. Les super pouvoirs c'était la semaine dernière. Non, c'était le mois dernier. Et t'as piqué du coup l'idée que tu voulais fredonner la chanson que tu voulais. C'est incroyable. Il y a une connexion entre nous. Ah la vache. Ouais. Mais ça s'appelle du vol télépathique. Du vol télépathique. Eh ben c'est Joe Dassin, bravo. Bravo. Okay. Ouais. Siffler sur la colline. Voilà. Et du coup, t'as plus de chansons. Ça va me revenir. Tu vas réfléchir. Bah, j'en ai une là, mais vous n'allez jamais la trouver. L'idée, c'est qu'on la trouve. Hein. Voilà. En même temps, on n'a pas trouvé la tienne. Allez, Ludie, on enchaîne avec toi. Est-ce que tu as une chanson en tête que tu peux fredonner au micro? Ça va être magnifique. On va essayer de deviner la chanson. Eh ben, accrochez-vous. On s'accroche. Allez, je m'accroche. Ça s'entend, en tout cas. Bam bam layo, bam bam laya, da da da da da da da, les Gypsy King. C'est ça. Bam bam layo, bam bam laya, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Yeah. En fusion totale avec Ludie. Bravo. Hein. J'avais un petit, ouais, effectivement, quand maintenant que tu le dis, je l'avais. Bravo. Allez, c'est maintenant Fleming qui doit nous faire deviner sa chanson. C'est le gage de Fleming. Albator, Bioman. Oui, Bioman. Ah ouais, bien. Dégoûté, j'étais pas loin. C'est ça. Bioman, défenseur de la terre. Ok, bon bah, victoire de personne. C'était très rigolo. J'ai perdu, je reconnais. Mais c'était très très sympa. Parce que t'en as deviné aucune. J'en ai deviné aucune. Tu l'as pas fait deviner non plus. Non, voilà. Ouais, j'ai complètement perdu, moi. Pour une fois. Brit a été assez perspicace. Effectivement, tu es la chroniqueuse à abattre. Bah, alors moi, j'ai piqué la chanson de Fleming. Ouais. C'est ça. J'ai fait deviner la mienne. Et j'ai deviné la chanson de Fleming. Ouais. Ouais, là, c'est... Ouais, trois coups... On va enchaîner maintenant avec le défi, le gage, pardon, le gage de Ludie. Quel gage tu nous soumets? Alors, le gage, c'est ri des voyelles. Ha ha ha, hi hi hi, hé hé hé, ho ho ho, hu hu hu, ou hu. J'ai pas compris du tout. Tu peux répéter? Bah écoute, il faut rire quoi. Ah, il faut rire en voyelles. Ah, d'accord. Je m'en fiche, je reste sur ma voyelle, c'est le U. Ah oui. Et je pense que... Parenthèse, personne ne rit dans le U. C'est pas possible. Les chevaux. Ouais, le U. Si, peut-être les... Peut-être... Le bourgeois ou la bourgeoise un peu pincée. Voilà. C'était très drôle. J'ai beaucoup ri. Un thé maintenant. J'ai mangé avec ma fourchette au lieu de mon couteau. Si, on peut rire du U, mais c'est un U pincé. Oui. C'est un rire pincé. Bah, très bien, tous ces gages. D'un autre côté, tout le monde pouvait le réussir et on l'a réussi. Moi, j'ai tenté le OU, mais ça marchait pas, le OU. On enchaîne avec le gage de Brie. Eh bien, répète 10 fois adieu pneu feu bleu. Alors, attention, c'est quelque chose d'un peu difficile à prononcer. Adieu pneu feu bleu. Qui veut commencer? Ah ouais, moi je veux bien, comme ça, moi, ça sera passé. Alors, Fleming. Ouais. Adieu pneu feu bleu, adieu pneu feu bleu, adieu pneu feu bleu, adieu pneu feu bleu, adieu pneu feu bleu, adieu pneu feu bleu, adieu pneu feu bleu, adieu pneu feu bleu, adieu pneu feu bleu, adieu pneu feu bleu, adieu pneu feu bleu, adieu pneu feu bleu, adieu pneu. J'étais arrivé à combien? À 12. À 12? Oui. Oh, mais j'étais large. Pourquoi tu l'as pas coupé? Il est parti, il est parti. Oh là là. Oh mon dieu. Oh là là. Easy. Je peux mettre des cymbales. Ah ouais, j'aime bien, j'aime bien. Alors, Ludie, ce beau défi. Attends, moi, il me faut la carte. Ah, toi, t'as le droit à la carte. C'est ça. Alors, c'est parti. Je tiens à dire quand même que Fleming l'a fait de tête. Mais. C'était pas spécifié au départ. Mais, quand même. Ludie le fait de carte. Allez, c'est parti. Mais quand même. 3, 2, 1, c'est parti. Adieu pneu feu bleu, adieu pneu feu bleu, adieu pneu feu bleu, adieu pneu feu bleu, adieu pneu feu bleu, adieu pneu feu bleu, adieu pneu feu bleu, adieu pneu feu bleu, adieu pneu feu bleu. Bravo! Alors, qui va tenir le adieu pneu feu bleu? Essayez chez vous. C'est très intriguant. Aveu, cheveux, plus bleu. Un bleu. Et c'est Brie qui s'y colle. Alors, adieu pneu feu bleu, adieu pneu feu bleu, adieu pneu feu bleu, adieu pneu feu bleu, adieu pneu feu bleu, adieu pneu feu bleu, adieu pneu feu bleu, adieu pneu feu bleu, adieu pneu feu bleu, adieu pneu feu bleu. C'est bon, c'est bon. D'accord. J'ai pas compté, mais je pense que c'est pas mal. On pourra vérifier avec le public. Il faudra revérifier à l'écoute, mais je pense que t'en as fait 10. Pour moi, on était à 10. Tu as le droit à la petite cymbale aussi, sinon... Merci. Alors, à moi, super dur, hein. Tu veux la carte? J'aimerais bien la carte, s'il vous plaît. Je me rends compte... Vas-y. Tu sais, devant le plongeoir, tu te rends compte de la difficulté. Ouais, adieu, pneu feu bleu. Adieu, pneu feu bleu. Adieu, pneu feu bleu. Adieu, pneu feu bleu. Adieu, pneu feu bleu. Adieu, pneu feu bleu. Adieu, pneu feu bleu. Adieu, pneu feu bleu. Adieu, pneu feu bleu. Adieu, pneu feu bleu. On est bon. 10. Les 10 pas sont mal. Là. Les 10 Allez. Sont là. Voilà. Anna, la petite Anna. On a fait. Dernier gage de cette thématique. Je vous rappelle que vous écoutez le Flamingos Podcast. Et la thématique, c'est les défis, les gages et les records. Et voici le nouveau gage pour mes comparses. Trouvez donc, je me permets de vous voyez hein, tous. Parlez-nous. Trouvez trois noms d'animaux qui volent. Pensez dans vos têtes à trois noms d'animaux qui volent. On va faire un tour de table. Et on va commencer par Brie. Est-ce que tu as trois noms d'animaux qui volent? Oui. je connaissais quelqu'un dans le boulot. Quand je lui posais des questions pour faire des choses, il me répondait « Ok, je sais le faire. » Mais il faisait jamais. Ouais, mais je te les donne, pas de souci. T'as pas précisé de toute façon qu'il fallait un nom d'animal existant. Donc, je dirais un oiseau, un dragon et une libellule. C'est beau! Oh, j'adore! Ah, là, c'était balèze. Ludie, as-tu trois noms d'animaux qui volent? J'ai ça. Vas-y. Une mouette, un rouge-gorge et un pigeon. Je valide également, hein, c'est pas mal. Fleming! Oui, j'en ai deux sûrs. C'est vrai que c'est difficile de trouver des animaux qui volent. Vas-y. Je vais creuser pour le troisième. Alors, j'ai la cigogne. Oui. Déjà d'une. La chauve-souris, parce que... Ça vole, ça. Hein. Ça vole très ça bien. Ça fait des dégâts. Ça fait des sacrés dégâts. Et le dernier, c'est là, tu vois, c'est là que tout de suite, je dirais la pie. Oh, la pie, ça vole, bien sûr. Ben oui. Ouais. Mais ça vole, c'est intéressant, ça vole dans les deux sens. On est d'accord. Ça vole les choses qui brillent, voilà. Et ça vole dans le ciel. C'est ça. Un bris. Ouais. Oui, je brille, mais je ne suis pas une pie. Tu n'es pas une pie. La chauve-souris vole aussi les virus. Et la cigogne vole les enfants. Non, les livres. Ah oui, ouais, les livres ouais, plutôt. Ouais, bon. Ça, c'est à Strasbourg, elle les emmène. De toute façon, les enfants se font comme ça, normalement. Tu commandes à la cigogne et elle te rapporte soit une fille, soit un gars. Normalement, oui. Normalement. Vous voulez trois animaux de ma part qui volent? Allez, vas-y, Jack. Alors, des animaux qui volent. Superman, c'est un animal qui vole. La tourterelle, vous ne l'avez pas citée. Je suis désolé de vous dire, c'est un oiseau pour lequel j'ai beaucoup d'attachement. Et le colibri qui vole... sur place. Ouais, c'est ça. C'est le seul oiseau à voler sur place. Et en marche arrière, je crois. Et en marche arrière, ouais, tout à fait. Plus fort qu'un hélicoptère. Ces premiers gages, on les a passés haut la main. Hein. Trop pas facile. Mal. Easy. Ok, super. Bah on y va. On a le droit de se faire un petit plaisir. Ah, ouais. On y est, là. Les gages sont terminés, on les a remportés haut la main. On va passer maintenant au record de la nature. La nature est bien faite, et justement, elle est tellement bien faite que des fois elle est surprenante. Et je crois que Ludy s'est plongée dans un dossier sur les records de la nature. Et oui, pour explorer notre thème, nous allons passer en revue quelques records de la nature. Alors voyons ce que nous réservent comme records les arbres, les fruits et les légumes. On y tient aux arbres. Très important. Alors, côté longévité, l'arbre le plus vieux du monde se trouve en Suède et est nommé Old Tijko. Old Tijko. Alors, quelle espèce d'arbre ça pourrait être ? Un baobab. Old Tijko. En Suède, pas du tout baobab. Un être. Pas un être. Un pin ? Ah, je vois. Un sapin, alors. Tu te rapproches. Un chêne. Brie se rapprochait. Ah bon ? Un sapin. C'est pas un sapin ? Un pin sylvestre. Un conifère. Un épicéa commun qui est âgé de 9550 ans. Ouais. Et ces arbres qui ont plusieurs troncs avec un système racinaire commun permet du coup cette longévité. Et il détrône Mathusalem, un arbre âgé de 4842 ans, qui existe toujours mais qui ne fait plus de bourgeons depuis 2008. Oh, depuis, c'est dommage. Ah, depuis Mathusalem. Non, juste depuis 2008. Donc il n'est plus considéré comme vivant. Oui. D'accord. Okay. Mais 4800 ans. Ouais, c'est ça. Alors, je découvre sa date de Mathusalem. Je ne savais pas que Mathusalem était un arbre. Ben voilà. Alors, je ne sais pas si c'est l'arbre qui tient son nom de... Jack, tu peux faire des recherches. C'est moi l'expert approximatif sur l'histoire. Mathusalem, c'est certainement un grec. Mathusalem était quelqu'un d'il y a très longtemps, du coup, on dit... C'était du temps de Mathusalem, tu vois. C'est ça, mais c'était rien à voir, c'est pas à cause mais de l'arbre. Mais c'était pas un arbre. Ah, c'est l'arbre qui a pris le nom de Mathusalem. C'est ça, c'est ça. D'accord. Mais d'accord. Vérifiez quand même, à chaque fois, vérifiez à chaque fois ce qu'on dit, parce que c'est approximatif. C'est ça. Mais probablement, Mathusalem était quelqu'un de très vieux. Et l'arbre, du coup, hérite du nom de Mathusalem. Mais beaucoup plus vieux que Mathusalem, j'imagine. 4800 ans. C'est bien avant Jésus-Christ. Vous vous rendez bien compte ? Bien sûr, c'est du temps de l'Égypte ancienne. Les Égyptiens. Les pyramides. Quand ils avaient l'électricité. Enfin... Je me tire. Non, c'est pas ça. Maître Gims. Bon. Mais c'est incroyable ce que tu dis. Je savais pas que des êtres vivants étaient vieux de plus de 4800 ans. Bah même 9000 ans. C'est et 9000 ans disais, pour ouais. Old Tijko. Ça s'écrit comment ? O-L-D ? Old. Vieux. Et T-J-I-2-K-O. J-I-2-K-O. Et il est où ? Et ce Old Tijko se situe en Suède. Mais qu'est-ce qu'il y a en Suède qui fait qu'il vit si vieux ? Il est sur une montagne, alors je ne sais pas ce qui. L'air frais conserve ? Peut-être. Mais... Old Tich. Tijko. Tijko. Petite pensée pour lui. Hein. C'est un super record. Oui, oui, complètement. Il faut... Mais quand même, 2008. Et puis plus rien. Je sais pas pourquoi. Ouais. Cette espèce de. Pourquoi ? La pollution ? Sarkozy a été élu. C'était son année ? Non, oui, c'était quasiment. Sa première année d'investiture. Je ne sais pas. Ça. Et nous partons maintenant côté des mesures. Connaissez-vous le plus gros fruit du monde ? Alors, les pastèques sont assez grandes. Ouais, moi, je dis que c'est un cousin de la pastèque. Jack, tu as une idée ? Les cucurbitacées. J'aime beaucoup ce nom. Des citrouilles. Souvent, les citrouilles ont de la circonférence. Mais je ne crois pas que les citrouilles, ce soit des fruits. Non, là, on parle de fruits. Hein. Oh, c'est comme la tomate, hein. C'est un fruit aussi. T'avais une autre idée, Brie ? Non, j'aurais vu un fruit similaire à la pastèque, mais j'ai pas d'autre idée. Moi, je dis un cousin. Le melon ? Ah non, le melon est plus petit. Oui, mais sauf le plus gros melon. Il y a peut-être des gros melons. Il y en a qui ont des melons, mais comme ça, quoi. C'est vrai. C'est surdimensionné. Surdimensionné. Eh ben, écoutez, le fruit de tous les records, c'est celui du Jacques. Ou ouais. Le haricot. Et Jacques. Jacques et le haricot. Jacques, le haricot magique. Le haricot. C'est ça? Il est aussi appelé le jackfruit. Et les fruits peuvent peser entre 15 et 40 kilos. Donc le haricot, c'est un fruit? Non, c'est pas le haricot, c'est vraiment le fruit du jacques ou du jacquier. Ah, faut que tu nous expliques. Ça ressemble à quoi? C'est un fruit tropical qui pousse en Asie, à La Réunion ou en Amérique latine. Et donc sur les troncs, au bout de 3 ans, le fruit pousse de manière sauvage. Et le fruit du jacquier possède de nombreux bienfaits nutritionnels, riches en vitamines, minéraux, en fibres. C'est une bonne source d'énergie. D'accord. Et comment on va le chasser, ce fruit-là? Il tombe tout seul parce qu'il est trop lourd ou... Oh, la colle. C'est incroyable. Moi, j'ai jamais entendu parler de ce fruit. Non, moi non plus. On y va à la tronçonneuse? Comment ça se passe? Je pense qu'il faut aller le couper. Et c'est un fruit qu'on commence à voir arriver en France et qui présente un intérêt bien particulier. Il permet de remplacer la viande dans de nombreuses préparations salées. Les morceaux de jacques ressemblent à du poulet ou du porc effiloché. Il y a de la protéine dans le jacques? Il y a un peu de protéines, mais il y a surtout beaucoup de vitamines et minéraux. Mais c'est idéal pour réduire ou arrêter sa consommation de viande. L'intérêt pour notre santé et notre planète n'étant plus à démontrer, soit dit en passant. Et du coup, il faut manger du jacques, quoi. Il faut arrêter la côte de bœuf. Je m'appelle Jack. Bonjour à tous, mangez-moi. Ben, je connaissais pas le fruit j'ai hâte de regarder sur Internet des images. Tu en as mangé, toi? Non. Qui en a mangé autour de cette table? J'en ai jamais mangé. Du Jack? Oui. J'en ai bu. Un peu Daniels, quoi. C'est ça? C'est son frère. Et on continue sur le thème des records avec les plus gros fruits et légumes cultivés par des passionnés qui inscrivent leurs spécimens à des concours pour qu'ils soient homologués. Le Giant Vegetable Competition fait partie de l'un de ces rendez-vous. Alors, vous êtes prêts pour la démesure? Vas-y. Préparez vos casseroles et plats à gratin. Alors, nous avons le chou-fleur le plus lourd qui pèse 27 kilos. Oh! Un chou-fleur de 27 kilos. À peu près 20 fois le poids normal d'un chou-fleur. Merci, parce que j'avais pas forcément le rapport. De nos côtes bretonnes. Qui lui aussi a des vertus. Le chou-fleur, ouais. On n'en mange pas assez. J'aime pas ça, moi. C'est pour ça. Donc j'en fais pas. On n'en mange pas assez, du chou-fleur. On pourrait en prendre dès l'apéro, du chou-fleur. Le chou-fleur, c'est le truc blanc, du coup, hein, c'est ça? C'est ça. Et ne pas confondre avec le chou-fleur. C'est-à-dire? Le chou-fleur. Le chou-fleur? La quiche, quoi. Ouais. C'est une quiche. Ouais. Enfin, je mangerais plus facilement du chou-fleur. Et j'aime beaucoup le chou-fleur aussi. À la vinaigrette, c'est pas mal. Tu nous le conseilles comment, lui dis toi, le chou-fleur? En cru, l'apéro avec des petites sauces, c'est pas mal. Ou en gratin. Avec de la béchamel? C'est ça. Brie, est-ce que ça te réconcilierait avec le... Eh ben, j'ai une petite anecdote, justement. Ah, là-dessus, ça nous intéresse. Alors sur que un chou-fleur? Oui, alors que je n'aime pas le chou-fleur. Anecdote chou-fleur, s'il vous plaît. Quand j'étais plus petite... Eh bien, il y avait un champ de chou-fleur à côté de chez moi. Et le jeu avec les voisins, c'était d'aller piquer des chou-fleurs pour manger du chou-fleur cru. Donc, j'ai mangé du chou-fleur cru juste pour le plaisir de faire une bêtise parce que j'aime pas le chou-fleur. C'était pas pour le plaisir d'en manger? Non. C'était comme un défi, quoi. C'est ça. Et ça rentre totalement dans le thème d'aujourd'hui, des défis, des gages et des records. Bravo. Tu as mangé du chou-fleur, même si t'en aimais pas, mais juste pour relever un défi. Voilà, c'est beau, c'est ça. C'est beau. Elle a pris sur elle. Eh ben, là, notre chou-fleur aujourd'hui, il fait combien de kilos quand même? Il fait 27 kilos. 27 kilos. Ouais. Tu le voles pas au supermarché facilement. Non. Ah non. Bah non. Alors, il me viendrait pas l'idée de voler un chou-fleur, en fait. D'ailleurs, qui vole un chou-fleur... Vole un chou-bœuf. Un fleur-bœuf. Alors, nous avons la plus grosse carotte. Est-ce que vous avez une idée du poids? Il y en a beaucoup qui sont très intéressés. Je vois déjà dans les réactions sur Internet. Quel est le record de la plus grosse carotte en longueur et en diamètre? En largeur. Alors... Non, j'ai... Quelqu'un... Tiens, on va... C'est rigolo. Allez, est-ce qu'on peut faire un petit sondage? Brie, la taille... Une bonne carotte. Une... Voilà. Une bonne carotte. Tu la vois? Bonne carotte. Tu la vois? Alors, je vois une carotte de... un mètre de longueur. Oh non. Oh si. Un mètre. Oh, la c'est une grosse carotte. Hein. Mais non, c'est, bah, c'est un record. Un mètre de longueur, oui. La grosse carotte. Un mètre et de... Et de en circonférence. Poids. Et en poids. Un poids. Oh, de sur... Bon, pff, allons-y. Non, un poids, un poids. Allons-y. Sachant que la carotte est conique. Conique, bien sûr. Évidemment. C'est vraiment la... À la base, ou En poids, 40 kilos. Ouais, une carotte de 1 mètre. Ah, Fleming, on fait le tour kilos. De table, du coup, d'accord. Fleming. Ouais, alors, à l'origine, en moyenne, on va dire que la carotte, pour moi, si on prend une taille normale... Il est très podcast, il fait des gestes avec... Il fait de doigt à doigt. Une petite douzaine de centimètres pour le classique. Une petite douzaine. Là, on est dans le record. Là, je dirais, ouais, un bon 58 centimètres. 58 centimètres pour un kilo. Un kilo, non. 58 non, centimètres non. Un kilo, elle est massive. Donc autant, moi, que mes 40 non, kilos, j'étais... Oh oui, on va dire un bon 3,7 kg. C'est pas idiot, 58 centimètres. Ouais. Moi, je vais la jouer prudent, 50 centimètres. Et en kilo? Ah, il faut dire en kilo. J'ai surtout le poids, en fait. Ah, bah, 2 kilos. Eh ben, vous êtes quand même, enfin, Brie a dépassé le record, puisqu'on est à 9,1 kg. Ah bon. D'accord. Ouais, pour la plus grosse carotte du monde, et pour l'avoir vue en photo, oui, elle est plutôt mastoc. Est-ce qu'on conseille aux internautes qui nous écoutent de taper plus grosse carotte du monde? Bah oui, il faut voir. Faut le voir pour le croire. Elle est d'où, cette carotte? Eh ben, c'est vraiment des... C'est souvent les mêmes cultivateurs qui cultivent les plus gros légumes et qui ont à la fois plusieurs records qu'ils inscrivent dans le Guinness des records. D'accord. C'est des spécialistes. C'est tout le temps les mêmes spécialistes en Angleterre, dans différents pays. Moi, je suis quand même intrigué. Ils prennent des spécimens du plus gros, ils retravaillent... Ah oui, est-ce que tu sais s'il y a une histoire sur la... La carotte la plus grosse. Justement, ils essayent de battre leur record. Comment ils font, en fait? Ah c'est oui, ça. D'où ça part? Comment ils ont fait? Ils ont recyclé des grosses carottes pour arriver à la grosse carotte. Et je rappelle qu'on est des experts approximatifs, donc tu dis, réponds-nous approximativement. Approximativement, je pense qu'il y a déjà une histoire de, oui, de graines, de grosses carottes. La graine est rentrée... Non, ça rappelle des histoires, ça. Ouais, donc, oui. Une histoire de graines et d'hérédité, et ensuite une histoire de nourriture à lui donner et de patience, en fait, pour attendre. Plus on la laisse... Et qu'est-ce qu'on lui donne? Mûrir. Qu'est-ce qu'on lui donne à manger? Les petits pots. Eh ben, pour le plus gros poireau du monde, il y a la nourriture... D'un coup, tu passes au plus gros poireau du monde. Oui, parce que sur le nez, il y a un secret très important. Son cultivateur lui aurait fait écouter le best-of de Glenn Miller à longueur de journée. Attends, si tu fais écouter de la musique, on l'a même pas fredonné, hein. Même pas fredonné. Les végétaux poussent plus dru, plus fort, plus massif. Mais c'est ça. Et on dit qu'il faut parler gentiment aux plantes, alors aux légumes. Ça fait des effets extraordinaires. Est-ce que tu peux me rappeler le nom du compositeur qu'il faut passer? Glenn Miller. On écoute un petit morceau. On va le mettre en post-prod, mais on écoute. On écoute. Glenn Miller, grossissez. Les bouchées doubles. Les bouchées doubles. C'est du jazz, non? Glenn Miller, c'est du jazz? Je sais pas. D'accord. Oui, oui, oui, il y a de la trompette. Je savais pas qu'il serait si phallique, ce premier. Eh bien, pour aller dans le même sens, est-ce que vous savez qu'est-ce qu'il faut faire pour faire rougir les tomates? Ah, je l'ai se mettre tout nu devant une tomate? C'est ça. C'était une blague, c'est ça. C'est le jardinier, en fait. C'est le jardinier, c'est le conte du jardinier. C'est ça, c'est ça. De faire rougir les tomates en se mettant tout. Oh, voilà, c'est ça. Oh, c'est carambar à bloc, ça. Ça, c'est, ça. Non, c'est ça. Oh, Brie, t'es énorme. Pas autant que la carotte. On est toujours dans les records. Vous l'avez compris, c'est le podcast des défis, des gages et... Des records. Et on est en plein dedans. Et on pourrait continuer encore longtemps sur ces records de Fruits et Légumes. Toujours plus. Brie nous parlait de pastèque. Alors, est-ce que tu as une idée de la plus grosse pastèque enregistrée sur la balance? Oula. Qui s'est enregistrée, elle a fait une chanson? Non, elle a été enregistrée sur le poids. Voilà, sur la balance. Alors déjà qu'une pastèque, c'est assez lourd. Je sais pas combien... Rappelle le poids du premier, c'était qui déjà? De quoi? Le chou-fleur. Le chou-fleur. Le chou-fleur, 27 kilos. 27 la kilos. Carotte, 9 kilos. Le poireau, 10 kilos. L'oignon, 8 kilos. Et la l'oignon, on n'en a pas parlé. Hein. Je tiens tout de suite à le dire. L'oignon, tu nous l'as zappé. Il est passé à la trappe. On va revenir à la pastèque. On revient à la pastèque. Pastèque, c'est lourd. Sauf que le poids maximum, l'indice, c'était 27 kilos avec le chou-fleur. Parce que lui, il bat. Tu veux dire que le chou-fleur, c'est le lourd. Plus gros légume. Mais la pastèque, c'est beaucoup plus lourd, les amis. Tous les légumes. Mais allez-y. Non, pas forcément. C'est pas forcément lui le plus lourd. C'était le plus lourd des chou-fleurs. C'est le plus lourd. J'ai commencé par lui, mais... Ok, d'accord, ok. Voilà. Et c'est beaucoup plus lourd qu'un chou-fleur, une pastèque. Allez, vous pouvez y aller, monter. 100 kilos. 50. 100. Jack s'approche. Moi, je dirais 75. Toi, t'as dit 100. 100. 75. 120. 120. Encore plus. 150. Ah, d'accord. 159 kilos sur la balance. Là. Mais c'est presque plus lourd que moi. Caravane, le truc, c'est quoi? On peut faire une caravane dans la pastèque. 159 kilos. Comment ça se passe? Quelle taille? On parle de circonférence tout à l'heure. Oui, oui, tout à fait. C'est en centimètres ou en mètres. Là, on parle en mètres. Tu peux pas l'embrasser, la pastèque. Elle est trop volumineuse. 159 kilos, c'est énorme. On a les dimensions de la pastèque? On a une photo de la pastèque, mais effectivement, pour la déplacer, il faut beaucoup de force. Il faut de gros engins, oui, c'est ça. Une cagette ne suffira pas pour la transporter. Et l'histoire dit d'où vient cette pastèque, pareil, de Suède? Je pense pas du tout. Non, pas du tout. Non, la pastèque, cette pastèque-là doit venir d'un pays du sud. Pays de Méditerranée, c'est quoi. Ça. Ouais. Ça, je sens bien la pastèque méditerranéenne qui peut être des fois fourbe et faire 159 kilos sans problème. Et nous allons terminer. D'après vous, combien pèse la fraise la plus lourde du monde? C'est beaucoup moins lourd qu'une pastèque. Fleming. Alors, à nouveau, si on multiplie par deux fois le poids... Tu multiplies quoi par deux? Je prends le poids moyen de la fraise, qui doit être à peu près de 3-4 grammes. 4 grammes fois la racine carrée. On va arriver à un bon 4 kilos. 4 kilos d'un coup. Il passe de 3 grammes racine carrée à 4 kilos. Brie? Non, les 3. J'exagère. 3 grammes ou 3 kilos? Kilos. 3 kilos. Ouais, j'étais sur 1,5 kg. 1,5 kg. Pourquoi? Ben, pourquoi pas. Je voyais la barquette de fraises, en fait. Je me dis, la barquette de fraises qui fait à peu près 500 grammes. 3 barquettes de fraises pour faire une grosse fraise. Voilà. Putain, la méga fraise. Voilà. Et tu pèses la barquette dans la barquette ou dans... Allez, 500 grammes, moi. Donc, on a 1 kilo, 500 grammes. Non, j'ai 3, moi. J'ai 3 kilos, pardon. 3. 500 grammes. 1,5 kg. Eh bien, on est vraiment quand même sur un gabarit beaucoup plus petit avec cette fraise. C'est une fraise israélienne de 289 grammes. 18 cm de long et 4 cm d'épaisseur et 34 cm de circonférence. Ouais. Donc, on est quand même sur un plus petit gabarit. On est sur... Beaucoup plus petit, on est plus sur... modeste. C'est pas du chou-fleur, hein, c'est de la fraise. Et c'est quelle variété de fraise? La garigate? La mara des bois. Fraise des bois, ouais, voilà. La seule information que j'ai, c'est une fraise israélienne. Ah. C'est ça. Super. Bah, merci, Ludie, pour... tous ces compléments. Comment tu as toutes ces infos? C'est incroyable. Tu es la reine de la nature. Il suffit de creuser un petit peu. Ouais. C'est vrai. La terre, du coup. Et surtout, aller vérifier ces infos. Surtout, sur un podcast où les chroniqueurs sont approximatifs, il faut toujours vérifier les infos. Ça, Fleming nous l'a bien rappelé au premier épisode. C'est important. Bah super, merci. Hein. Moi, j'ai beaucoup aimé essayer de deviner les tailles des fruits. On a été très impressionnés. Et des légumes. Pour moi, c'est la carotte. Hein. C'est vraiment très impressionnant. Et des légumes. À voir absolument. Tu nous conseilles de voir la carotte? Oui, il faut le voir. D'accord. On irait faire un tour. Alors, on arrive tout de suite à une coupure musicale, ça vous dit? Oui, carrément. Vous êtes prêts? Qu'est-ce que tu nous proposes? Oh, un petit truc. Les salsifis. Ah, alors, vous savez, vraiment, on peut faire une vraie coupure musicale totalement en symbiose avec la chronique. Ça s'appelle Broccoli on my plate. Ah, c'est ça. Bah, moi, je croyais que c'était les salsifis. Eh bah ben là, il y a du lien. Là, on a du lien. Magnifique ce titre. J'adore. Broccoli on my plate. C'est gratuit en c'est plus. C'est qui ça? On a non. Alors toutes les musiques qu'on passe, sauf la musique de Glenn Miller, sont complètement tombées dans le domaine public. C'est gratuit. C'est Broccoli on my plate de The Green Orbs. Okay. Gratuit. Très gentil. Oui. Merci. On les remercie. Allez, on enchaîne tout de suite avec la chronique de Fleming. C'est le quiz sonore qu'on a appelé également l'immersion. L'immersion. Alors, est-ce que tu peux nous en parler? L'immersion? L'immersion. Eh bien, comme le nom l'indique, c'est un défi. Et là, il va falloir découvrir quels sont ce projet. D'ailleurs, Jack, c'est toi qui vas nous passer les morceaux. Et puis, nous, on va devoir découvrir de quoi s'agit-il. Exactement. Je vais faire la genèse de cette chronique. Fleming m'a envoyé un petit email, un petit message en disant j'aurais une idée de faire une chronique sur... Qu'en penses-tu? Il a commencé comme ça, il a dit qu'en penses-tu? On pourrait faire deviner à partir de bruit, voilà. Une activité de loisir, pour nos amis internautes, on pourrait faire deviner un métier. Un métier. Une situation. Je dis ok, super. Et il me répond... J'ai vraiment pas le temps de le préparer, mais ce serait vraiment cool de le faire. Donc voilà. C'est la surprise pour moi aussi. Voilà, donc c'est moi qui ai préparé l'idée de Fleming. Voilà. Donc je vous propose de jouer sur l'idée de Fleming, la réalisation de Jack. Donc vous allez être aux commandes, tout le monde joue. Évidemment, ceux qui écoutent, vous jouez. Hein. On va vous faire écouter un son, essayer de deviner dans quelles conditions est pris ce son, qu'est-ce qu'il raconte. Quel est le loisir? Quel est le but de ce son? Essayez de deviner. On est vraiment dans l'interprétation. Vous avez compris? Oui, c'est concret. Par contre, on ne coupe pas le son. Vous levez la main si vous avez une idée, comme ça je vous interroge. On devrait avoir des pouettes-pouettes. Pouettes ou proutes. Non, faut pas couper le son, c'est presque de l'ASMR. Ah, c'est faut vrai. Faut écouter vrai. Vraiment attentivement. D'accord. Écoutez jusqu'au bout. Levez la main si vous avez une idée de ce que ça représente. D'accord? Okay. D'accord. Ok. On y va? Attention, c'est parti. Premier son. Tu as une idée sur ce son? Alors, ce serait dans une fête foraine, un manège. Comment qui ça va très, s'appelle très... Fleming, t'as levé la main aussi. T'as une idée du manège en question? Non, moi, c'est pas un manège. Ah, c'était pas un manège? Ah non, c'était pas une fête foraine. C'était quoi pour toi alors? Ah, moi, c'était horrible. C'était bien, un tsunami. Bien dans le. Moi, c'était un tsunami. Les gens sont affolés, ils sont en train de. Alors je vais te dire tout de suite, c'est beaucoup d'imagination, mais c'est pas du tout, c'est pas du tout un tsunami. Moi c'est horrible. Moi je pensais à une piscine. Une piscine, ouais. Bah c'est ludique et complètement dans le vrai. Tu peux développer du coup, on réécoute si vous voulez. Ah. Voilà. Alors, on l'a bien écouté, Ludie. Oui, je pensais au Grand 8 ou au Train de la Mort ou le Train Fantôme. Moi, je voulais juste le Grand 8 et tu l'as trouvé. Bravo, Ludie. Elle a relevé ce défi. Elle a trouvé quand même le son. Une idée proposée par Fleming, mis en son par Jack. Et trouvée par Ludie. Bravo. Brie. Oui, bon, j'étais à côté de la plaque. Et te dire. Alors, je peux même vous développer, c'est le manège, le goût du risque qui est au parc Astérix. Oui. Qui l'a fait ? Qui est allé au parc Astérix ici ? Moi, je ne l'ai pas fait, les enfants l'ont fait. D'accord. C'est le plus rapide d'Europe ? Oui, il y a un truc comme ça, je crois. Il y a le plus. Vraiment. Il vient de sortir, là. Ah, il vient de sortir ? Il n'est pas vieux. Bah écoute, le podcast, c'est toujours un temps d'avance. Allez, on y va. Deuxième son. Alors, je peux juste vous dire que sur les prochains sons. J'ai fait vraiment un travail de montage, j'ai découpé, j'ai mis mes petits trucs. Vraiment, ceux qui adorent écouter du bruit sans rien, sans blabla, vous allez adorer. Alors, Brie, tu as levé la main en premier. Bah, j'ai l'impression d'entendre déjà comme une rivière avec quelque chose qui est lancé dans l'eau, je dirais un pêcheur. C'est ça, bruitage de pêche. Et au milieu coule une rivière. Rivière, tout à fait. Au milieu coule une rivière. Vous y étiez ? Oui. Ludie, tu l'avais ? Oui, je l'avais. Mais Brie a été la plus rapide. Elle a levé la main. Elle a dégainé la première. Dégaine vite. Hein. Ouais. Attention, celle-là, je veux de la précision. Vous allez reconnaître quelque chose d'assez simple, mais ne levez pas la main tout de suite. Essayez de deviner qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qu'on prépare derrière. Rentrez en immersion avec le son, c'est important dans le podcast. Vous êtes prêts? On y va? 3, 2, 1, c'est parti. Allez, on peut couper là. Fleming, t'as levé la main en premier. Ouais, mais sur la fin de la fin, j'ai un doute. Fais-toi confiance. Je partais sur la mousse au chocolat, mais la fin, je suis pas un expert en cuisine. J'adore parce que Fleming, il a compté le nombre d'œufs cassés. Deux, ok. Après, il y a le fouet. Alors, c'est bien. Mousse au chocolat, on note. Brie, t'as levé la main aussi. Ouais. Pour moi, justement, le bruit qu'on entend à la fin, c'est une poêle. Donc, je dirais une omelette. Ah, une omelette. Et toi, Ludie, as-tu une idée ? Bah, j'étais partie plutôt sur un gâteau en entendant le fouet. Mais c'est vrai que le bruit final, je l'avais pas. J'avais pensé à du sucre qu'on rajoutait. Mais ça peut être aussi la poêle. Alors, vous savez que le podcast ici est enregistré en région Bretagne. Vous avez du mal avec ça. Et pourtant, on est en Bretagne, les amis. Du coup, quelle est la recette phare de la Bretagne ? C'est le phare au pruneau. Mais là, pour le coup, c'est les crêpes. C'était les crêpes. Ça, vous avez reconnu. Bah non, mais il n'y a pas que des œufs dans les crêpes. Bah non, il y a du lait, il y a du sucre. Le lait. Les œufs, vous avez la de farine. La pâte, vous avez de la farine, vous avez du... Là, si tu mets que des œufs, t'as une omelette. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est compliqué de faire couler du liquide et de mélanger. Ah bah tout non. Était. Clou, clou, clou. Oh, c'était super compliqué. Écoutez, moi, j'ai pas de souci avec ça. Pour la prochaine, vous me faites le bruitage parfait de la recette des crêpes. C'est super dur. Parce que finalement, ça pouvait aussi marcher pour la mousse au chocolat, du coup. On n'a pas entendu le chocolat. Non. Mais comment comme on l'a pas entendu. Mais comment chocolat. Quel est le bruit du chocolat? Bah, qu'on casse. Des fois, ça fait cloque. Enfin, ça dépend, la qualité du chocolat, en fait. Et s'il est en monobloc ou s'il est en... Enfin, bon, allez, ça devient trop technique. Moi, je me suis tapé des tutos de crêpes pour vous trouver tous ces bruits. Ouais. Et je voulais finir par un dernier conseil. Pourtant, révisé. Hein. Quel est le temps de cuisson de la crêpe? Ça dépend de la poêle. Le temps de... C'est quand elle se décolle. C'est quand elle se décolle. Eh ben, écoutons maintenant notre expert crêpe, puisque j'en ai fait des tutos, mais celui-là, il m'a fait rire. Il avait l'air tellement affirmatif. C'est très ça bien. Devait être un Parisien, c'est très, je pense. Très bien. Souvent, on pose la question. Alors, voilà, une crêpe, c'est 2 minutes. Et ça va très vite. Si vous laissez trop longtemps, la pâte sèche. Et évidemment, c'est pas bon. Évidemment, c'est pas bon. Ça... 2 minutes, ceci, il l'a laissé cramer, quoi. Mais 2 minutes, c'est super long. C'est long, 2 minutes. Eh, on parlait de 3 secondes. Vous vous rappelez la première secondes. Ça pouvait durer super longtemps. Ah oui, 3 secondes. Ludy avait une faculté d'arrêter le temps 3 secondes. Ouais, tout à fait. Oui, exact. Ça, c'était notre dernier. La thématique, c'était les super pouvoirs, on le rappelle. C'est ça. Aujourd'hui, c'est les super défis. Et le mec, il passe 2 minutes, mais sur une face ou sur les deux? J'ai compris, une fesse. Une face, d'accord. Une face de crêpe. Tout compris, il fait la crêpe. Tout compris. Ouais. Voilà, bah vous avez été pas trop mal. Vous n'avez pas découvert la crêpe. Mais on peut faire une petite coupure musicale et rendre hommage à la Bretagne qui a quand même contribué à apporter la crêpe au monde. Donc on a des gros contributeurs. C'est vrai. Si la crêpe ne vient pas à toi, tu viendras à la crêpe. C'est vraiment universel. Tu peux le redire, c'est trop beau. Si la crêpe ne vient pas à toi... Tu viendras à la crêpe. Tu viendras à la crêpe. Écoutez cet artiste, on l'a découvert, c'est pareil, il nous a donné la chanson gratos. C'est génial parce que ça vous dit aussi l'endroit d'où nous enregistrons. Écoutez bien. Oh Britannie, ma jolie Bretagne, je te dédie cette petite chanson. T'es bien monté comme une chaîne de montagne, t'es bien roulé comme une galette au jambon. Et si je pourrais t'emmener en Espagne pour une petite vacation, au bord de mer dans un océan de champagne, j'essaierai de noyer le poisson. Au Britannia, ma jolie campagne, parfois le soleil est un peu grognon. J'ai pas trouvé plus charmant que la Bretagne, pourtant j'en ai exploré des régions. Et si je pourrais être celui qui t'accompagne, que tu sois à Morlaix ou à Lannion. Et si un jour je me casse en Champagne, tu seras jalouse et t'auras bien raison. Thank you. Le Flamingo. Yo yo, on prend le temps d'une pause et pour cause, on cause. Yeah. Retour dans le Flamingos et on va tout de suite enchaîner avec notre thématique défi, dégage et des records. Et justement, Brie, je crois que tu as des records. Eh bien, effectivement, j'ai trouvé quelques records. Des records insolites, un peu amusants, en tout cas intéressants. Ils n'ont rien à voir les uns avec les autres, mais je vous fais découvrir ça. Sans transition aucune. Non, c'est ça. Donc là, il y a un record qui m'a beaucoup amusée et que je serais curieuse d'aller voir, en fait. C'est la plus grande réplique de décor en Lego. Alors, un décor d'une série, en fait. D'une série. Voilà, d'une série télé que vous connaissez tous. Ah, une série télé mise en décor en Lego. Friends. C'est ça. Friends. J'ai tout de suite pensé à ça. C'est toi aussi. Ouais. Tu vois, ah, d'accord. Mais c'est pas ça. Je... Eh ben, si. On pense. Friends. On est trop bon, mais. Ils sont trop j'avais forts. J'avais vu les fiches avant d'aller vu les fiches. Non, c'est pas vrai. C'est ça. Il y a. Il y a quelqu'un. Ouais. Qui, pour fêter les 25 ans de la série, donc du coup ça doit dater de quelques années. Oui. Je sais pas combien d'années à la non, série. C'est à peu près ça, ouais. Oh, à peu près ça. Mais oui. Ou bien ça. Donc récemment, alors, récemment, quelqu'un a fait la réplique en Lego du Central Perk, donc le bar. Ah, le bar, du coup, ok. Voilà. À taille réelle, donc 62,72 mètres carrés. Et genre. Avec les acteurs, tout non, tout, juste le, la déco, la déco le, juste le bar avec le canapé, voilà. C'est impressionnant. Pourquoi on a pensé à Friends? Je sais pas. Parce qu'on série... est entre amis. On est entre amis. On est entre ça. Amis. Ah, c'est ça. Moi, c'est la série culte. Je vais te dire, pour moi, c'est la série, comme dit Brie, ouais. The série. C'est vrai, c'est vrai. Il y a tout l'ingrédient de l'amitié. Ouais, c'est vrai que ça me fait penser aussi à ce qu'on fait là. Hein. Voilà. On est un peu dans Friends, quelque part. Je ne sais pas si vous faites des Lego de temps en temps. J'y fais. C'est-à-dire bah, si vous vous amusez à bricoler un peu. Brie sait que j'adore. Voilà, j'ai c'est ça. Un gros penchant pour les Lego. Et avec, toi, avec Ludie, des gilets jaunes. C'est-à-dire. Non, c'est des Playmobil. J'ai vu un truc sur YouTube passer, il me semble. C'était des Playmobil, figure-toi. C'était pas mal. Gros succès YouTube. Il a quand même mis 4 mois à faire ce décor. Jack ? Non, pas Jack. Non. J'ai pas le nom de la personne d'ailleurs, mais ça doit se trouver sur Internet. Donc, combien de pions de Alors, Lego ? J'ai pas le nombre de pièces de Lego. Ah, ouais. T'es une expert approximative, tu dois être obligé de dire un nombre approximatif. Bah, plusieurs Entre... milliers. Millions. Millions, me souple. Plusieurs millions oh, de rien, pièces, mais je pense que j'arrive pas à me rendre compte. En fait, 62 mètres carrés, c'est énorme. Quoi. Ah oui, ouais, c'est en, peut-être en millions. En ouais. Oui, c'est taille réelle. On demandera à Lego Master. Voilà, c'est ça. Mm. Donc, sans transition, j'ai un autre défi record insolite. On est vraiment dans le podcast des défis et des records. Hein. Voilà. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. On n'a jamais été autant dedans. On vous a donné des chiffres de fou, quoi. Est-ce que... Il vous est déjà venu... Est-ce que vous êtes déjà venu à l'idée de mesurer votre bouche ? Ouf, j'ai peur ! Tout le monde a eu peur ici ! Alors, est-ce qu'on a eu... Je vais te dire sincèrement non. Parce que sinon, j'allais dire oui. Oui ! Oui, oui. Oui, tout le monde. Tous les gars ont évidemment. Mesuré ce qu'on ne veut pas dire. Sur le coup, il est 13-14 ans. Oui, c'est ça, à peu près. À peu Toujours près. À la même période. C'est approximatif. Et toi, lui, c'est approximatif. As-tu mesuré aussi ta bouche ? La bouche, jamais. Jamais. Ouverte ou fermée ? Il faut avoir la bouche ouverte. Il faut avoir la bouche ouverte. Et en fait, la mesure se fait entre les incisifs du haut et les incisifs du bas. Verticalement. Donc allez-y, je veux un chiffre. C'est quoi la plus la grande taille. La plus grande. Qui a la plus grande gueule ouverte ? C'est ça. Le monsieur Alors, s'appelle Philippe Angus. Ah, il faut qu'il soit humain. Un animal ne marche pas. Non, c'est un humain. Un humain. Ah, c'est les incisifs, c'est même pas la lèvre. Pourquoi les incisifs ? C'était dans les incisifs. C'est dedans. Non, c'était dans. C'est dedans. C'est dans la bouche. C'est dans la bouche. Vas-y, 5. Du coup, moi, c'est 5 pour moi. Pour moi, c'est 5, personnellement. Non, 5 centimètres. Moi, c'est 4. Pour Ludie, c'est 4. Elle fait exactement la même longueur que moi. Vous êtes des oufs. Ah ouais. Ah, il est beaucoup. C'est 6, toi. 6 cm. Ça commence à me faire peur. Alors... bon, aucun de vous ne bat le non, record. Non, mais, non, c'est pas ça. Non. On va dire le record. Oui, voilà. Allez, pour moi, c'est 12 cm. Ouais, moi, je serais plutôt à Fleming. 17. 20. Mais vous imaginez la taille, là ? 12 cm, ouais. Ouais, mais des géants qui ont des grands. Non, non. Bref, mais tout le monde a peut-être bon, pas d'accord, mesuré. D'accord. Alors... 9 cm 52, et c'est déjà énorme. Je suis pas loin, je suis pas loin. Il est pas loin, je suis pas loin. Il est pas loin. Je suis, pas loin. Je suis obligé de dire qu'il est pas loin. C'est vrai, mais c'est je déjà pas énorme. Encore, mais je suis pas loin. Okay. C'est beaucoup. Bah oui, parce Regardez que... Regardez une feuille, enfin la moitié ceci d'une dit, feuille pliée. Ceci dit, tu as dit combien ? 9,52 cm. Ça devient intéressant. Mais oui, d'accord. Non, non, c'est pas mal, c'est pas mal. Il s'appelle comment, ce monsieur ? Philippe Angus. Philippe Angus, il est de quelle nationalité ? Je ne sais pas. Oh, américaine, je pense. Oh, très bien. Merci, c'est très approximatif et ça nous va très bien dans ce podcast. Le nom sonne comme ça en tout cas. Super. Il y a un autre homme qui s'est amusé avec une partie de son anatomie. Merde. D'accord. Zut, flûte, oui. Pour frapper au clavier. Ah. Avec son nez. Ouais. Avec son nez. Ouais. Il a le record de frappe avec son nez sur un clavier. D'où lui vient l'idée, j'ai du mal à m'imaginer. Mais... Et ça fait un vrai son ? Alors je pense que il y a un tube comme ça, c'était Pinocchio, non ? C'était pas... non. Alors, l'idée, c'est de pouvoir écrire, quoi. Il doit vraiment écrire... Il écrit... Ah, pardon ! Je crois que c'était... Moi, j'ai compris piano. Sur un piano ? Ah, bah moi, quand j'ai lu le record, j'avais compris que c'était sur un clavier d'ordinateur. Ah, d'accord. Donc, c'est à vérifier. Ah, le mec, il est dactylo avec son pied. Il est dactylo avec bah, le c'est nez. C'est à vérifier, c'est peut-être moi qui a mal compris. Pourquoi t'as dit piano, alors ? J'ai non, pas clavier, parlé, elle clavier, a dit. J'ai pas parlé de piano. Nous, on a, non, on a vu piano tout de suite. On a interprété c'est piano. D'accord. Mais ouais. Il avait peut-être pas de main, le monsieur. Mais c'est artiste. Ah, je sais pas. Ça, j'ai pas vérifié non plus. Donc, c'est le record du dactylo nasal. Bah, moi, c'est ce que j'ai compris. C'est d'accord. Un indien. Voilà. Et non, assez bien. Récent comme record. C'est un et record donc, qui date du début de l'année. Alors, ça consistait à quoi exactement ? Bah, moi, j'ai compris qu'il tapait. C'est celui qui tape le plus vite un texte avec son nez. Et il a écrit combien de phrases ? Je sais pas. En une minute. J'ai fait l'école Pichier. Et vous trouvez ça drôle ? Je tape et très vite. Si ça se trouve, c'est moi. Je tape qui... très vite avec le nez. Embauchez-moi. Embauchez-moi, vite. Je vous jure, j'ai le record du monde. Ok. Bon, c'est peut-être moi qui ai mal compris. Ah non, j'ai pas envie. On a jamais dit ça. J'ai vraiment pas envie que tu aies mal compris. Moi, j'avais compris que c'était à l'ordinateur. De toute façon, on s'en fiche, c'est nous qui avons raison, on est approximatif. On l'a dit. Après, c'est record de frappe au clavier, donc pour moi, frappe... Ah ben, c'est sûr que c'est pas du piano. Voilà, donc c'est ouais, ouais, c'est sûr que c'est du clavier d'ordinateur. Il aurait très bien pu faire un morceau rien qu'avec son nez. Mais je sais pas ce que ça aurait donné, en fait. Et du coup, comment se traduit ce record ? Bah, il a le record, c'est tout. Il est dans le bouquin. C'est lui qui tape le plus vite avec son nez. Mais il y en a d'autres qui ont essayé ? Bah, je me demande, je sais pas. Ou il est tout seul, là, ouais, il a fait. Vous voyez, j'ai tapé papa, maman, j'ai réussi. J'en sais rien du tout. Je te laisserai vérifier. Mais j'en ai un autre qui a battu son propre record. Il a battu le record de son record. Voilà, c'est ça. Ça, c'est ceux qui sont vraiment tout seuls et qui font leur record entre eux, quoi. Mais là, je pense qu'il est le seul à avoir fait ça parce que c'est assez étrange. Du clavier ? Non, non, un autre record. Vas-y. Alors, quel est ce record incroyable ? Eh bien, il est resté le plus longtemps dans un tonneau. Il avait... Non, avec de la prune et de la mirabelle. Je serais resté longtemps aussi. Pas les tailles. Un tonneau de combien de litres ? Mais je vais te dire tout ça. Explication de Brie. Voilà, donc il a le record du plus long séjour dans un tonneau, mais pas n'importe quel tonneau. Monsieur a séjourné dans un tonneau. Voilà, un tonneau à 25 mètres du sol. Oh, à 25 mètres du sol ? C'est un artiste. Sous ou au-dessus ? Au-dessus. Au-dessus. Au bout d'une perche. Allez, très bien. Voilà. Putain, mais et pendant combien... Pendant combien de jours, d'après vous ? Oh, je donnerais bien 80. Tu peux rester, hein. Ah, si tu veux. Sans manger ou en... Ah, visiblement, il a bu. Je pense qu'il a bu de la mirabelle. Du fruit. On parlait de fruit tout à l'heure. Je crois qu'il y avait une pastèque de 50 kilos. Il est resté 30 jours pour moi. Alors, Jack dit 30 jours. Alors, d'accord. Moi, j'aurais dit 4... Jules Verne, 80 jours. D'accord. Lui dit... Sans manger Bah non, mais je pense qu'il devait, il devait manger, sinon il serait mort. Il devait avoir des trucs, des réserves avec lui, je pense. 100 jours, alors. En sachant qu'il a battu son propre record. Ouais. Au début, il était à... T'as dit quoi, Jack ? 30 jours. Voilà. Au début, il était à 30 et après, il a pulvérisé à 80. Eh bah, bien, au début, il était à 67 jours. Oh, punaise. Et il a pulvérisé... Il aurait pu pulvériser à 68, hein. C'est vrai. Puisqu'il est le seul à le faire. Eh bah, ben non, 75. Oh, 75 jours ! C'est toi, Fleming ? T'as dit combien ? Jules Verne, 80 jours. 80 jours, ah, c'est lui. Il est fort, Fleming. Il revient dans la course. Brie, fais gaffe. Hein. J'étais parti très loin, ceci dit. En sachant que ça lui a permis de collecter des fonds pour une association d'aide, une association d'aide pour les enfants. D'accord. Ah, je crois que c'était les alcooliques anonymes. C'est aussi une cause. Mais oui, mais il y a, oui, tout à fait. Super, bah, c'est voilà. Impressionnant. C'est presque des records inutiles, mais qui ont une utilité finalement. Bah voilà, pour c'est, il a trouvé une la récolte des fonds. Il y avait beaucoup de monde à le regarder pendant 80, 60. Il a le record des personnes qui l'ont regardé aussi. C'est vrai ? Non, je sais pas. Ah, ça donne envie ouais, en fait bah, d'essayer d'inventer des records. Tu en vois. Même temps, c'est un coup à choper un torticolis. Le record du monde de torticolis. Mais est-ce que vous pensez qu'on pourrait inventer un record ? Oui, j'ai un record. J'ai lu dans le journal qu'il y avait un record. Il me semble, donc on est dans l'approximation, que c'est à Saint-Brieuc. C'est la plus grande queue leu-leu qui fait quelques kilomètres. Alors, approximativement, je dirais 3000 personnes. Et je crois qu'on peut la battre à Morlaix. Donc je lance un défi ou à Lannion ou à Zguirec même. Dans le Trégor. Bien sûr. Voilà, tout à fait. Donc l'idée, ce serait de trouver 3000 cocos plus un. Ou, enfin, ou 3000 nananana plus un. Et on bat le record. Et là, et là, et là. J'adorerais qu'on essaye de le faire. Ouais, moi aussi. Ah, mais moi je suis à fond. Je sais pas comment le faire. Bah déjà on lance une bouteille à la mer. Bah moi j'ai 800 copains sur Facebook. Alors je les vois pas tous. Quel vantard. Si. Quel donc, vantard. Donc. Ok, ok. Mais je les vois pas. Il y en a plein que je connais pas en fait. Mais comment tu peux être ami avec des gens que tu connais c'est pas. C'est les mystères. Ça serait super bien d'organiser ce record. On met au défi. Est-ce qu'on pourrait en parler dans la troisième saison Troisième saison, tu me fais plaisir. Tu me fais rêver. Tu me fais rêver là. Mais je suis sûr, les gens, ils sont accros déjà. Ok, bah super. Toi, Ludy, t'en penses quoi de ce défi qu'on pourrait peut-être potentiellement faire en direct pour la 3000ème. En direct en plus. Pour la 3000ème. Que des complications. Mais oui, mais c'est clair. Bah avec plaisir. Excellente idée. J'ai deux petits records à vous donner encore. Ah, on a encore deux records. On a envie de les entendre. On a deux records bonus. Ouais. Est-ce que vous courez un petit peu ? Oui. Alors, Fleming, c'est intéressant. Alors, pas depuis 2 mois. J'ai arrêté un peu. Je suis en pause. Mais, mais je cours régulièrement. Je peux dire que en Fleming... En marche avant ? Ouais. Fleming est un grand sportif. Non. Sans rigoler. Non, pas un grand sportif. Si. Je m'entretiens. Ah non, un grand sportif, c'est un gars qui court tous les jours. Tu cours pas mal. Ludy. Pas du tout sportif, non. C'est vrai ? C'est vrai. Eh bien, il y a un homme qui court, qui est sportif. Mais bon, c'est trop facile de courir en avant. Donc, eh ben, il a décidé qu'il allait faire un marathon en marche arrière. Et à cloche-pied. Non, il a juste fait en marche arrière. En marche arrière, c'est super dur déjà. Oui, et il a mis... Faut les rétro, tu sais. Faut les... Donc c'est de cette année. Hein. Cette année, il a couru dans la Drôme, je crois. Donc j'ai le nom de cette personne, c'est Guillaume de Lustrac. Ah bah Guillaume... Guillaume de Lustrac. Voilà. Il parle bien son nom, celui-ci. Félicitations. Il a couru en 3h25 le marathon en marche arrière. C'est énorme, parce que moi je le cours pas devant en 3h25. Ouais. Nous, tu sais, en Bretagne, on dit un truc quand même. Hein. Les mecs qui ont bu trop de chouchène ont tendance à plus marcher vers l'avant, mais à marcher vers l'arrière. Serait-il breton, ce Guillaume Lustrac ? Je ne sais pas. L'histoire le dira. Peut-être. Ou alors il a des origines, il ne le sait pas. Et ça, c'est dans quel coin, t'as dit ? Lustrac, dans le... Non, c'est son nom de famille, de Lustrac. De Lustrac. De Lustrac, c'est un noble. Et dans la Drôme, je crois qu'il a de souvenirs, il a couru dans la Drôme. Donc, on a une personne qui a couru le marathon en marche arrière, mais on en a une autre. Bon, il n'a pas fait le marathon, il a fait 100 mètres. 100 mètres. Voilà, mais il a un record de 100 mètres. On pourra le tenter, ça peut être très marrant d'ailleurs qu'on le tente, nous. D'accord. Il a le record du 100 mètres à 4 pattes. À 4 pattes ? Mais c'est incroyable! Alors, d'où lui vient cette idée, je sais pas, mais j'ai envie de le tenter. Ludy, tu tenterais ce 100 mètres à 4 pattes? 100 mètres, ça me paraît pas très long. Non, mais c'est pas long. Pattes, quand même. Non, mais je pense qu'il va super vite par contre. J'ai pas le temps. Sur le 100 mètres, si vous êtes à 9 secondes sur 2 pattes, c'est énorme. Oui, t'es Carl Lewis quoi. Ouais. Ouais. Du coup, c'est pour nous donner une idée de ce que ça peut être à 4 pattes. Combien on peut courir le 100 mètres à 4 pattes ? Eh ben, moi je sais, j'ai l'astuce. Faut viser. tu regardes les concours de lévrier, les concours de lévrier, et tu les mates, tu les mates, tu les mates, et après tu reproduis ce qui fait le lévrier. Non, non. Mais je pense un que chien, ça va à 50 km/h. Tu vas pas aller aussi vite qu'un lévrier. Tu prends la technique. Mais tu mates, mais nuit et jour, nuit blanche, nuit blanche. Tu deviens un lévrier dans ta tête. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et je suis un lévrier quand je suis à quatre pattes. Est-ce que tu pourrais courir plus vite à quatre pattes qu'à deux pattes? M'en fous, je suis un lévrier à quatre pattes. On veut la vidéo, Fumi. Bon, effectivement, il faudra qu'on tente ce record. De courir à quatre pattes, le 100 mètres, ouais, bah, qui ouais. Nous quatre fonctionne. Enfin... va le plus vite. Alors, en combien de secondes je n'ai pas le temps. Oh non. On pourrait essayer dans le jardin, on se chronomètre. Attends, on revient, on revient. Il faut trouver le nous temps. Revenons. En combien de temps un homme a pu courir en mode lévrier le 100 mètres, quoi? C'est incroyable. À quatre pattes, en fait. À quatre pattes, ouais. À quatre pattes, Fleming. Ouais. Et même pas comme un lévrier, comme un singe. Il s'inspire de la méthode des singes. En fait, c'est pas une légende. L'homme descend vraiment du singe, en fait. C'est un retour juste en arrière. Bah voilà, c'est ça. Et en combien de temps il a couru? Bah, on a vérifié. Et il a couru en 15 secondes 86. 15 secondes 86. Alors qu'avant, on était à combien déjà? 16 secondes et quelques, le record d'avant. C'était quoi le record d'avant? Il y a d'autres personnes. Il a battu son propre record, c'est ça? Non, il a battu le record. Le record de quelqu'un qui courait en mode lévrier aussi. Là. D'accord. Mais c'est une spécialité japonaise. Je sais pas si. Si, je te promets. Si, c'est vrai. Parce que c'était un japonais en fait. Et donc le record du record, c'est pas de lui-même, mais en fait, c'est de son pote. Son pote Jap. Alors, on a regardé les images tous ensemble. On a regardé parce qu'on a fait une petite pause pour regarder les images. Je trouve que ça a quand même pas mal de style. Moi, j'ai envie d'essayer. On veut battre le record de 16 secondes. Les mecs, ils se sont inspirés quand même des chimpanzés. Moi, je pense qu'il faut vraiment s'inspirer vraiment du lévrier, en fait. Et je pense que là, on arrache tout. Là, on arrache tout. Je pense que le lévrier court plus vite que le chimpanzé. Il faut qu'on essaye. Écoute, on va regarder des photos de lévriers qui courent. Alors, je voulais terminer avec un dernier record, peut-être le plus insolite, en fait, de tous les records. Il y a une femme, une américaine, elle s'est dit, un record, c'est bien, deux records, pourquoi c'est mieux. Pas. Puis elle s'est dit, ah, finalement, je vais battre le record du nombre de records. À son actif, 350 records qui ont été validés. Et elle en a encore 174 qui sont actifs, en fait. Elle détient encore 174 records qui n'ont pas été... Alors, est-ce que tu peux les énumérer, s'il te plaît? 374 non. records. 350 et 174 encore à son actif. Ouais. Mais c'est quel type de record? Des records sportifs? Des records insolites? Ah ben, il faut qu'on fasse une autre pause, j'en sais rien. Je pense que c'est des records débiles, quoi. Mais je pense aussi... Genre... L'idée, c'était de battre plein de records. J'arrive à étaler sur mon pain du beurre en moins de 4 secondes. Personne ne pense à faire ça. Mais c'est ça vrai. Peut être un record. Mais tu te rappelles dans une émission qui passait sur la première chaîne, c'était De Chavannes sur TF1 qui animait une émission. On n'est pas Coucou-nous, ouais, peut-être. Coucou-nous. Et tu avais le souffle avec une paille sur un petit poids. Et il fallait aller le plus loin possible. Et ben, le record avait été battu. Dans l'émission. Voilà. Voilà. Il suffit de trouver des idées de records. Il y avait la crêpe aussi. On revient sur la crêpe. Le lance. C'est de la crêpe au-dessus d'une seau à la perche. Comme une barre, quoi. Ouais, la barre, voilà, du seau à la perche. Incroyable. Ouais. Et on l'a battu dans Coucou, c'est nous. Ouais. Il a un record formidable, c'est qu'il lance les crêpes très haut et qu'il les rattrape. Parce qu'on en a eu une fois. Le jeté de crêpe et le lancer de crêpe n'a évidemment aucun intérêt s'il n'y a pas récupération au bout, bien sûr. Alors, encore 1m45, hein. Et toi, Ludy, tu penserais à battre quel record? Si tu voulais faire un record que tu serais la seule à battre, ce serait quel record? Ça pourrait être lié à la crêpe aussi. Hein. C'est-à-dire? Rester dans le thème. Le plus grand nombre de crêpes... En une minute? En un temps record? C'est ça. En 3 minutes? C'est ça. Ou alors la pâte à crêpes directe. toute la pâte. Tu dégommes la crêpe, la crêpe, la crêpe, la crêpe. Et dès, quand il n'y a plus de pâte à crêpe, t'as gagné. Enfin, t'as gagné. Seul Fleming pourrait valider ce record. Puisque c'est le seul à avoir compris le record. En fait, t'as une pâte à crêpe. Et puis, t'as le récipient. Hop, tac. Chacun a mis tous les ingrédients, la même quantité. Et hop, le premier qui a fini sa pâte à crêpe a gagné. Ah, d'accord. Ah. Mais il ne faut pas laisser reposer. Ah non. Alors, est-ce que c'est vrai? C'est une légende ou pas? Moi, j'ai jamais laissé reposer une seule pâte à crêpes. Ah, pardon. Si, ah, on l'a fait la veille. Pardon, bien on l'a sûr. Fait la veille. Et oui. Tu la laisses se reposer dans le frigo. C'est parce ça. Que pendant êtes... une nuit. Alors, je me permets de dire que vous n'êtes pas des vrais Bretons. Ah non, mais c'est que moi et mes amis à l'époque, quand on avait 12-13 ans, on adorait faire des crêpes, mais jamais on a laissé reposer une pâte à crêpes. C'est pas possible. Bah, normalement, il faut faire. Bah, normalement. Enfin, mais ça... en même temps, j'ai envie de dire, tes crêpes, ça ressemble à des omelettes. Elle a goûté mes crêpes, Brie, et je suis très vexée. Je veux vous dire. Ok. Bah, super. Je pensais à tout à l'heure, en fait, à tes sons. Ludie va peut-être me... Ludie pourra peut-être me dire, mais c'est surtout vrai pour la crêpe de sarrasin. La crêpe au sucre, on s'en fout un peu plus. Ah, mais... si, on fait reposer également. La crêpe, la crêpe froment, oui. Okay, bon. Parce qu'après, on redélaye avec du lait pour avoir la bonne consistance. On met pas tout le lait, en fait, dans la pâte. Oh la vache. On met une partie du lait et le lendemain, on rajoute un petit peu. Est-ce qu'on n'aurait pas un potentiel à ouvrir une chaîne YouTube sur la crêpe et peut-être monétiser, du coup, ouais, les recettes? Tu vas pas donner tous tes secrets. Bah si, forcément, sur la chaîne. Oh la vache. Combien de crêpes on pourrait tourner pendant l'enregistrement d'une émission? Ah, et qui tourne les crêpes? Bah, Ludie. Bah, moi, je veux bien essayer, mais ce ne sera plus des crêpes. Ce sera des bouts de crêpes. Des bouts de crêpes. Des grumeaux de crêpes. Ah non, grumeaux, c'est à la pâte. Grumeaux, c'est la cata hein, sur une crêpe. C'est des pouloutes. C'est le pire du pire sur une crêpe. Hein. C'est quoi des pouloutes? Bah, c'est des grumeaux. Ah, mais en breton? Oui, on dit des pouloutas pour enlever les grumeaux. Des pouloutas, tu retires les grumeaux? Oui. Et pouloute, c'est le grumeau? Oui. Des pouloutes? Oui. D'accord, ok, je savais pas. Ouais, mais enfin, sur le pouloute, tu mets plein de sucre et finalement, ça passe. Tu sens plus le pouloute, quoi. Voilà. Le Flamingos. Le Flamingos, le podcast qui passe du coq au cheval et même de la taupe au flamant rose. Il est temps, les amis, d'attaquer avec l'énigme du jour. Parce que vous savez, dans le Flamingos, l'émission des experts approximatifs, il y a une énigme. Et aujourd'hui, l'énigme va être lue par Mathis, il a 8 ans et il a fait pour nous l'énigme du jour. Il est là. Alors Mathis, es-tu prêt pour nous lire l'énigme? Oui. Qu'est-ce qui t'appartient, mais que les autres utilisent plus que toi? Merci, Mathis. Alors, qu'est-ce qui t'appartient, mais que les autres utilisent plus que toi? Vous avez tous entendu ça? On a bien entendu. Merci, Mathis. Moi, je pense que c'est un gros taxeur. Mais maintenant, un taxeur de quoi? Enfin... tu penses vraiment que la réponse, c'est un gros taxeur? Non, les gens sont des... Bah oui. C'est à toi, mais les autres l'utilisent, donc plus que toi. Mais t'es vraiment au premier degré du truc. Clairement. Bah, j'aurais tendance à dire le téléphone. Je pense aux enfants, je crois qu'ils utilisent mon téléphone plus que moi. Ludie. Quelque chose comme l'expérience ou les connaissances ou les... C'est super bien, ça. Comment on appelle ça? Quelque chose qui se palpe pas, quoi. Ouais, ouais, des connaissances immatérielles. C'est ou... ça. Ouais, ouais. Moi, j'aurais dit l'heure. Ta beauté. Vas-y, redis-le. Ma beauté. L'heure. Ton image, ton intelligence. Ton intelligence, ouais, c'est ça. C'est... Ouais, franchement, premier degré, quoi. Je suis d'accord avec vous. J'ai pas de truc drôle à dire. Est-ce qu'on a une bonne réponse, Mathis? Est-ce que quelqu'un a la bonne réponse? Non. Alors... Tout fier. Non, mais c'est bien, parce que moi, il dit non, on peut encore chercher. Ouais, il a pas donné la... chercher encore. Pas de problème. Qu'est-ce qui t'appartient et que les autres utilisent plus que toi? L'amour. Ça me fait penser à ça le aussi. Le temps, l'amour. Alors, le temps. On approche ou pas, Mathis? Bah, il nous faut un indice. Je savais pas qu'on serait coincé sur la devinette de Mathis parce qu'il m'avait dit, il m'avait juré, c'est facile. Est-ce qu'on en a à la maison? Oui, 4. Mes enfants. Non. T'as 4 enfants? Non. Je t'ai pas au courant. Vous donnez votre langue au chat? On va donner notre langue au chat pour une fois. Alors, Mathis va nous donner la réponse. Alors, quelle est la réponse à cette énigme qui nous a laissé... Pantois. Qu'est-ce qui t'appartient, mais que les autres utilisent plus que toi? Réponse: ton prénom. Et ça t'appartient? C'est très très fort, Mathis. Mathis, encore bravo. Là, nous as bien eu. Là, c'est... Bravo. C'était une énigme super dure. Ouais. Mais j'aime bien. Donc, on a une autre énigme. On va pouvoir se refaire, les amis. Vous êtes prêts, Brie? Je suis prête. Je t'écoute. Je suis toute oui. Qu'est-ce qui est plein de trous, mais qui arrive à retenir l'eau? Ah, ça, j'ai une idée. Qu'est-ce qui est plein de trous et qui arrive à retenir l'eau? Je donne mon idée ou pas? Vas-y, Brie. Vas-y, Brie. Une éponge. Pas mal. Ah, je pense à la même chose. Donc, pour Brie et Ludie, c'est une éponge. Et toi, Fleming? Je suis complètement d'accord avec Brie. Si je dis passoire, c'est ridicule. Bah, l'eau passe. Bien sûr, bien sûr. D'accord. C'est quoi la réponse? Réponse: une éponge. J'ai envie de vous dire, Brie, Ludie, Fleming, vous êtes formidables. Brie a brillé, hein, sur sa première réponse. Mais justement, on va pouvoir vérifier qui est le chroniqueur le plus cultivé, le super champion. Et vous savez comment? Je ne sais pas, mais on va le savoir très rapidement. Parce que c'est l'heure du méga quiz. Hop là! Toutes les chaînes ont leur jeu télévisé, mais nous, nous avons le méga quiz. Donc, je vous explique un peu le principe. On a en fait fait la quintessence de tous les jeux télévisés. On les a réunis ici dans le Flamingos et ça donne le méga quiz. Ça vous va? Bah écoute, allez, on fonce. C'est parti. Comme c'est un pot pourri de tous les jeux télévisés, on va commencer ça par... Ça veut dire... Alors, je te coupe. Vas-y, vas-y, coupe-moi. Alors, on peut avoir des idées de jeux, de... C'est les jeux télévisés sur toutes les chaînes. Genre, question pour un champion, la roue de la fortune... Alors, question pour un champion, oui, y est, la roue de la fortune n'y est pas. Est-ce qu'on peut aussi avoir du... comment ça s'appelle, tu sais, le jeu, là, où on pouvait... On disait oui, stop, ou on continue jusqu'au Joker, le 50-50, le... Non, qui veut gagner des... Qui veut gagner des millions. Voilà. Il y est. Il y est. Mais on est dans la dynamique du question pour un champion, donc... Oui, oui. Voilà, on est là-dessus. Est-ce que vous êtes prêts, du coup, à jouer au méga quiz? Allez, mon Jack. On est au taquet. On va commencer par qui veut gagner des millions. Écoutez bien cette question de Jean-Pierre Foucault. Au bistrot... Vous savez, le petit carré de chocolat qu'on vous offre parfois, pas partout, avec le café. C'est un Florentin, c'est un Vénitien, un Milanais ou un Napolitain. C'est le petit morceau de chocolat, qui est généralement très bien emballé, qu'on offre avec le café, qu'on met sur la soutasse. Alors j'en éliminerai deux, moi, déjà. Ouais, moi aussi. Napolitain, je le vire. Pareil. Et le Florentin. Et il reste un Milanais et un... Et j'ai oublié l'autre. Ouais. Tu veux réécouter les réponses? Réécouter les propositions. C'est un Florentin, c'est un Vénitien, un Milanais ou un Napolitain. Comme ça, par intuition, je dirais le Milanais. Moi, je n'ai aucune idée. Mais tu peux dire sur 4. T'as une chance sur 4. T'as une chance. Allez, le Florentin. Moi, je dirais le Vénitien. Eh bien, vous n'avez pas du tout la bonne réponse, je crois. C'est le Napolitain. On va écouter. Pour moi, le Napolitain, c'est un petit c'est gâteau. C'est le gros gâteau dégueulasse. Alors, moi, j'aime bien. Je le fais. Alors, les amis, j'ai les réponses. J'ai la réponse de Jean-Pierre Foucault. Napolitain. Carré ou rectangulaire, c'est tout. C'est souvent un petit morceau de chocolat noir. Et au bistrot, le petit carré de chocolat qu'on vous offre parfois avec le café est un Napolitain. Oh. Un napolitain, tout le monde voit le gâteau machin dégueulasse, oui. industriel, bon. Que certains... Que Brie adore. Maintenant, vous n'oublierez pas, ça s'appelle comment, Ludie ? Le napolitain. Donc, prochaine fois, je demande un napolitain au café. Un café crème ou un café serré ? Café, ou café crème. T'es plutôt crème. Je suis plutôt café crème. Et toi, Ludie, t'es plutôt quoi ? Café cappuccino Et avec toi, un peu de chantilly. Un petit ristretto. Moi, je suis plutôt côté Irlande, moi. Ah, oui, oui. Donc, côté Irlande, c'est un peu le café avec le whisky. Le... Oui, enfin, à boire avec modération. Comment ils appellent ça ? L'Irish Coffee. Maintenant, on va enchaîner, puisque c'est le méga quiz, on va sur un autre jeu qui est les 12 coups de midi. Est-ce que ça vous parle ? Les 12 coups de midi. Non, c'est pas ça. Ludie, toi qui n'as pas la télé, ça te parle, les 12 coups de midi? Ça me parle brièvement. Tu pourrais citer l'animateur? C'est pas Jean-Luc Reichmann? C'est ça, bravo. Tu dis Jean-Luc, comment? Jean-Luc Reichmann. C'est ça, elle est forte. Hein. Pour une fille qui n'a pas la télé, t'as pas la télé chez toi? Non, j'ai pas la télé. Je sais, je sais. Ouais, moi aussi. On écoute. Je connais un peu, quand même. On écoute la question de Jean-Luc. Quelle race de chien est couramment utilisée en Angleterre pour participer à des courses de vitesse ? Le lévrier. Mais c'est pas en Angleterre, c'est en Australie. Mais je vais quand même dire le lévrier. En Angleterre, non, je verrais plutôt les grands chiens avec des longues oreilles. Là, les chiens un peu chasseurs. C'est pas les Saint-Hubert, un truc comme ça ? Et après, c'est pas le Saint-Hubert, je pense, mais... Le Saint-Hubert, il a pas des taches. Je vois le chien avec des longues oreilles et des taches, un peu chien de chasse. Le Yorkshire ? Non, un grand chien. Le Chihuahua ? Mais j'ai pas le King Charles. Non, c'est non. Plus gros. Un peu comme les Beagles, mais des grands Beagles. Bon, on prend la réponse. Donc, lévrier pour Fleming. Je reviendrai. Hein. Brie. Grand Beagle. Grand Beagle. Bah, j'ai Ludie. Pensé au lévrier aussi. Hein. Lévrier. Oui, mais c'est en Australie, lévrier. Vous êtes prêts ? C'est la réponse. On donne la réponse ? Allons-y. Bah oui. Le lévrier ! Mais c'est le lévrier. Oh la vache, j'y croyais pas une seconde. Donc, je vous jure. Deux points. Brie, qu'est-ce qui t'arrive ? C'est toi, normalement, qui dois tenir le haut du pavé. Eh bah, pas cette fois-ci. Donc, un point chacun pour Fleming. Même quand on n'y croit pas, on gagne le point qu'on a dit lévrier. Bien sûr. Mais, Fleming, rien n'est fait. Rien n'est fait. Il reste deux questions et on switch sur un autre jeu qui est question pour un champion. Voilà. On y va ? On y va. Quelle couche de l'atmosphère, située entre 15 et 45 km de la surface de la Terre, se caractérise par sa couche d'ozone ? Quelle est cette couche ? La stratosphère. Stratosphère pour Brie. J'en ai aucune idée. Alors, moi, j'ai bien... Alors, ozone, c'était un... Tu as dit ozone, Fleming. Ouais. On a enregistré ozone, c'est trop tard. Mais non, parce que ozone, c'est un groupe de musique à la base. Oui, aussi, ouais. Dragon Study Tai. Tu connais tes classiques ? Bien sûr. Bien sûr. J'ai dansé là-dessus et je sais pas pourquoi. Et tu redanseras là-dessus, je pense. Non, non, non, j'ai jamais dansé. Ah, si. Tu crois ? Ah oui, on est sûr. Bon, ah, ok. Alors, donc, il y avait la stratosphère et après, qu'est-ce qu'il existe comme autre couche ? C'est ça la question ? La lithosphère. Lithosphère, ça existe, ça ? Je crois, oui. Ouais. Ça existe, Jack ? Ouais, ouais, lithosphère. Allez, go. Ah, si c'est toi qui as bon, je suis dégoûté. Ouais, t'es clair. On écoute la réponse. Ouais. La stratosphère ? Très bien. Très bien, la stratosphère. Je remonte. Donc, égalité, Brie à un point, Ludie à un point, et Fleming à un point. Qui gagne quoi, en fait ? Moi, je crois qu'on avait droit à un séjour en grange si on gagnait. Si, si, bien sûr, t'auras le droit à un séjour dans une grange. Ah ouais. Sans problème. Moi, on m'avait promis ça. Alors, le public n'est pas... Ludie, c'est possible qu'on vienne dans ta grange ? Moi, on m'a dit que celui qui gagne, il va dans une grange tout frais, tout... Très au frais, oui. Tout offert. Attention, on finit par la dernière question. Qui va départager tout le monde. On switch sur le jeu le maillon faible. Qui se souvient du maillon faible ? Avec Laurence Boccolini. C'est ça, tout à fait. C'est elle-même qui vient venir. Tu l'avais pas celle-là, hein, Ludie ? Je vois sa tête. Ouais. Ah, juste sa tête. Laurence, c'est à toi, pose la question. Au Maghreb, quelle plante aromatique appelée persil arabe parfume la chorba ? Moi j'aurais dit coriandre, mais d'accord. C'est pas... coriandre. J'allais dire la même chose. Bah, moi aussi j'allais dire la même chose. Donc coriandre pour tout le monde. On écoute la réponse. La coriandre. Yeah, j'ai gagné le séjour. Alors, le vous séjour avez à la tous, grande. Vous avez tous gagné. Oh non, vous j'ai dit en premier. J'ai une étoile. Une étoile en plus. Ah, c'est le gagnant. Check les filles. Légèrement plus. bravo, voilà, en tout cas. J'espère que vous, auditeurs, internautes, vous avez joué parce que. J'aurais bien voulu savoir combien valait de millions cette question, quand même. C'était le maillon faible, hein. C'était. Ah, c'était le maillon faible. Ouais, ah, c'était merde. Laurence. Ah ouais, merde. Ouais. Bah oui, elle valait un séjour dans la grange de Luigi et avec plaisir, nous irons et on essaiera de vous faire une captation de son dans la grange de Luigi où il y a des chauves-souris. Moi, je connais quelqu'un qui a étudié et qui étudie toujours les chauves-souris et avant que le bordel soit connu. Le bordel, il appelle ça le Covid. Enfin, le Covid, c'est le nom qu'on lui prête. Mais oui, dans le laboratoire E440, voilà, c'était le. Exactement. Ouais, c'était autre chose. On l'appelait comme ça. C'était autre chose. Voilà. Ok. Bah, merci à tous. En tout cas, de nous avoir écoutés, ça fait plaisir. Moi, c'était Jack. J'étais très heureux de vivre cet instant avec tous ces animateurs formidables. Il y avait Brie. Bah, comme d'habitude, bien entouré, ça ne pouvait être qu'une belle émission. Et oui, une deuxième émission au top et encore de nouvelles surprises qui nous attendent pour la prochaine fois. Fleming, on va faire court. Hein. Je suis ravi de vous avoir accompagnés tous les trois. Et ce soir-là était très bénéfique parce qu'il permet de changer les idées. Il permet de sortir de sa semaine. Sa semaine peut être dure. Et quand elle est dure, il est bon d'écouter le Flamingos. Merci Fleming pour tout ce que tu as dit. C'est une belle conclusion. Mais en tout cas, n'hésitez pas à passer des petits mots d'encouragement pour qu'on puisse suivre l'affaire. En tout cas, si ça vous plaît, nous, ça nous plaît. Ciao! Ciao! À plus tard, merci bien.